pary z placosem. Kozla z kista, koniliśmy to kacosem. Popatrz, rachny poniom, tu kiedy kip kasi. Ja jamais comme le terrorisme et la ville d'Alger. J'appelle neuf fois mon poète, une journée sans glaçon. Que des histoires de grands garçons, t'as ma parole de franc-maçon. Un fer est sans, tu vois, c'est un temps du quoi. Chez moi on dit machallah quand on prend du poids. Ni ambition, ni plan carrière, pleure à la footballeur. J'ai vu ce que donnait là, mon fils sera footballeur. Ma banlieue va le bazar, pour toi y'a pas de hasard. Soit t'es léger, soit t'es lourd, ma fusalène est pas le taser. On va niquer ta mère, voilà avec tous tes appuis, bordel. J'avais tout ce que ma claque, boy, ça passera pas le printemps, moi je te le dis. On va niquer ta mère, voilà avec tous tes appuis, bordel. J'avais tout ce que ma claque, boy, ça passera pas le printemps, moi je te le dis. C'est grave, tout le temps je te préviens, si je vais quelque part, c'est yes. Ta vie et puis ça m'excite comme un accent marseillais. Je vais finir par faire des tubes de pédale comme l'orage. Je stable encore, ça je suis l'enfant du club comme Raoul. La détermination quand le petit parle, le grand sester. Que des usines, le ciel est gris, ma gueule c'est Manchester. Rappelez sans tout, comme jouer un match sans coupe. Ici y'a pas de geisha, repose ça qu'on marche en groupe. Avant, pas théorie, je veux mes millions gonds et mon gros bill. Un truc shoot en poli, mec de province, équipe solide. Si t'es une grosse putain, poton, je te dis, sans détour, ça nettoie. 40 micros comme mes potos, jouer les. Je dirais que c'est moi qui t'aime pas, mais bon, on parle pas des sons. Comment ça, j'ai pas qu'écrou, je vais se mettre un